Suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Diplomate au bord de la crise de nerfs, une série de Franck Cuvelier réalisée par Véronique Samouilov. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'avec l'ENA qui ferme, la diplomatie a un coup dans l'aile. Et entre Greta Thunberg et Angelina Jolie, et après qu'un homme ait été assassiné et débité en morceaux dans une ambassade, on se demande bien parfois qui peut encore avoir envie d'embrasser la carrière diplomatique. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, des textes anciens, le délire des concours et une jeune fille, deuxième bachelière de sa famille, qui promène son chien et révise avec une discipline de fer et le chant des cigales. Mais pour commencer deuxième épisode, on va faire un tour. Pour vous détendre, marcher un peu tous les jours. Oui, bah oui, ça fait du bien. Surtout que là, je peux, quoi. Il n'y a aucune voiture. Parfois, je parcourais un peu aussi les week-ends. Parce qu'au moins, il faut quand même faire autre chose que la préparation du concours, parce que sinon... Là, deux fois, je me suis fait des sujets blancs, donc de 4 heures sur l'épreuve la plus compliquée, culture générale. Parce que c'est ça que j'ai loupé l'année dernière en faisant le concours. Donc, je sais qu'il faut que je travaille cette épreuve-là. Donc, j'ai suivi déjà deux sujets blancs, là, je vais en faire d'autres. On va se mettre sur le côté. La Phoenix. À l'école des diplomates, un documentaire de Franck Cuvelier, réalisé par Véronique Samouilov. Comment devient-on diplomate aujourd'hui? Et qui souhaite encore le devenir? Pour le savoir, nous avons cherché à rencontrer celles et ceux qui préparent le concours du ministère des Affaires étrangères, le MAE, l'un des plus prestigieux et des plus sélectifs de la République. Beaucoup de candidats ont refusé. Par prudence, par superstition. On espère tous, au fond, marquer le monde de notre empreinte et sauver le monde, hein, mais peut-être une vue utopique, mais c'est mon but, avoir changé quelque chose, faire quelque chose. Phoenix, viens. La première, Tiffany, ne vient pas d'une des filières royales qui préparent au concours, mais de l'université publique. Elle tente sa chance. Vous êtes interrogé sur le nombre de places qui sont offertes cette année? Oui, c'est 12 pour secrétaire des affaires étrangères, cadre général. Mais en réfléchissant, les chiffres ne font pas si peur que ça, puisque les gens qui vont passer le concours réellement, qui font toutes les épreuves, sont seulement, c'est la moitié, plutôt 350, 400. Et après, pour aller à l'oral, il faut être parmi les 20, 25 premiers. On verra. J'espère y arriver. Celui qui veut s'appliquer à négocier les affaires publiques doit examiner, avant que de s'y engager, s'il est né avec les qualités nécessaires pour réussir. Ces qualités sont un esprit attentif et appliqué, qui ne se laisse pas distraire par les plaisirs et par les amusements frivoles. Un sens droit, qui conçoive nettement les choses comme elles sont, et qui aille au but par les voies les plus courtes et les plus naturelles, sans s'égarer à force de vaines subtilités qui rebutent d'ordinaire ceux avec qui on traite. De la pénétration pour découvrir ce qui se passe dans le cœur des hommes et pour savoir profiter des moindres mouvements de leur visage et des autres effets de leur passion qui échappent aux plus dissimulés. De la présence d'esprit pour répondre sur les choses imprévues et pour se tirer par des réponses judicieuses d'un pas glissant. Une humeur égale et un naturel tranquille. Un abord toujours ouvert. Doux, civil, agréable, qui contribue à acquérir les inclinations de ceux avec qui on traite, au lieu qu'une mine sombre et rude rebute et cause d'ordinaire de l'aversion. François de Calière, de l'art de négocier. François de Calière, que nous citons toujours, qui est un... Laurence Badel. Un diplomate français de l'époque de Louis XIV. Callière donc a laissé un petit ouvrage qui est très très précieux pour nous parce qu'il porte sur le métier de négociateur. Et il définit très très précisément ce métier de négociateur et nous explique aussi de manière extrêmement précise comment, en amont, le futur négociateur doit se former pour bien conduire une négociation. Ce qu'explique Callière, c'est que pour bien négocier, l'ambassadeur doit s'informer sur les usages de la cour auprès de laquelle il va être amené à travailler. Il doit s'informer sur la puissance de l'État. Et ça, cette mission d'information, elle est aussi vraiment au cœur du métier d'ambassadeur. Un événement dans le monde, Stéphanie Spitaleri veut devenir une experte. Oui. En quelques heures. Ah mais c'est ça, vous avez tout compris. C'est complètement possible. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quand, comment? Et je vais regarder et ça permet de comprendre. Félix, allez. Alors comprendre, c'est un premier temps, mais alors bientôt, si vous êtes aux affaires un jour, ça sera intervenir. Oui. Ah, c'est le but. C'est le but d'agir, c'est... j'ai un bon petit caractère. J'ai besoin d'avoir des responsabilités, d'avoir une action, d'avoir un but, un rôle, quelque chose. Sinon, je me sens pas bien. J'ai besoin d'agir, d'intervenir, de faire quelque chose. Bon, bah, on va vous laisser vous installer dehors avec vos affaires. Et puis... vous laissez interviser, travailler. Qu'est-ce que c'était un ambassadeur avant et comment on les formait? Qui était-il? D'où venait-il? Il faut bien se représenter que l'ambassadeur en tant que tel, dans des temps plus anciens, est une personnalité qui est nommée par un souverain ou une république pour les représenter à l'étranger. Alors, les ambassadeurs, c'était des aristocrates qui étaient choisis par le prince ou la République pour assurer leur représentation à l'étranger. C'était la plupart du temps donc des hommes qui étaient issus du milieu de la noblesse et qui étaient choisis à la fois pour leur capacité à assurer cette représentation prestigieuse de l'État à l'étranger, qui étaient choisis aussi parce qu'ils disposaient de moyens financiers pour tenir leur ambassade. C'est une activité qui n'était pas salariée. Donc c'est pour cela aussi qu'on les recrutait dans les rangs de la noblesse. Il fallait qu'ils disposent d'une fortune personnelle pour assurer leur ambassade, tenir une table abondante, se présenter dans des bâtiments décorés. Donc il était choisi essentiellement pour ses origines sociales et, je dirais, ses facultés culturelles. Et puis vous trouviez des secrétaires d'ambassade qui eux-mêmes se formaient dans la suite de l'ambassadeur et apprenaient le métier essentiellement sur le terrain. Comment vous êtes arrivé à faire des études de relations internationales à Paris, la Sorbonne? Alors, c'est le chemin. Donc déjà, je suis passionnée par les langues. Depuis que je suis petite, hein, l'histoire, les langues, les relations sociales, c'est toujours mon truc. J'adore regarder les infos, qu'est-ce qui se passait en Irak, qu'est-ce qu'il y avait là. Et j'ai découvert, en fait, à la fin du collège, que je pouvais faire un double bac dans la région. Là. Et j'ai dit, je vais faire ça. Et je suis partie après en langue étrangère à l'université. Et j'ai découvert qu'il y avait un diplôme universitaire sur les relations internationales dans ma fac. Je me suis dit, allez, je vais faire ça en plus de ma licence en parallèle. Donc du coup, j'ai suivi la double formation. Donc la petite fille de... le petit village d'Alès s'est retrouvé à la Sorbonne. C'est ça. Le petit village du Gard, oui. On n'est pas nombreux, hein. Naissance. La naissance donne un très grand ornement à l'ambassadeur si elle lui est tant soit peu avantageuse. S'il la prend dans une maison illustre ou dans une famille noble, elle donne un très grand éclat à l'ambassade. Et elle rend l'ambassadeur d'autant plus propre à cet éminent emploi. Elle sert de lustre et donne l'habileté sans laquelle il est impossible de réussir. Abraham de Wigfort, l'ambassadeur et ses fonctions. Frédéric Ramel, vous enseignez les relations internationales un peu partout et à Sciences Po, où nous sommes, et un des moyens de commencer à réfléchir aux questions internationales et à la diplomatie, pour vous, consiste à présenter à vos étudiants un tableau qui s'appelle justement « Les ambassadeurs ». Alors ce tableau, qui s'appelle en effet « Les ambassadeurs », a été peint par Holbein à l'époque de la Renaissance. Il représente deux ambassadeurs français qui sont situés à l'abbaye de Westminster, à Londres, et ils sont auprès du roi Henri VIII. Et ces deux ambassadeurs, c'est un ecclésiastique d'une part et un aristocrate d'autre part, qui sont accoudés à un meuble sur lequel on trouve au premier niveau beaucoup d'instruments de mesure astronomique. Et en dessous, on a un deuxième étage où on trouve des instruments de musique, une map monde, un livre de psaumes ouvert avec des flûtes également. Alors les deux ambassadeurs sont dotés d'habits extrêmement chargés et on voit toute l'élégance et l'apparat en fait du diplomate. Et puis, et si on regarde un peu plus attentivement, dans un deuxième temps, on voit quelque chose de bizarre qui se situe en fait sur le parterre de Westminster. Alors on a du mal un peu à le deviner, et puis progressivement on se dit, c'est pas possible. Si, c'est possible. Il y a une tête de mort. Une tête de mort qui est incurvée et qui, si on se déplace un peu à côté du tableau, à droite, par exemple, elle se dessine avec beaucoup plus d'acuité. Ce qui est extrêmement révélateur, à mon sens, de ce qu'a voulu nous signifier Holbein pour rendre compte de la diplomatie. Pour être un bon diplomate, faut savoir regarder à côté, pas forcément en face, afin de voir la réalité de la diplomatie. C'est l'ombre de la mort, l'ombre de l'inquiétude, le spectre de la disparition des États s'ils sont, comme on disait à l'époque, subjugués par les autres, c'est-à-dire envahis par les autres États. Alors vous présentez ça, Frédéric Ramel, à vos étudiants. Avec quelle piste de lecture? C'est une énigme que vous leur donnez? Alors tout à fait, l'activité de diplomatie, tout d'abord, c'est une activité de déchiffrage. Et on parle de chiffres, le chiffre c'est aussi l'élément important dans les relations entre États pour l'espionnage, mais déchiffrer. La diplomatie, c'est évidemment informer son autorité et déchiffrer la situation dans laquelle on évolue. Ça signifie savoir regarder les choses en face, certes, mais aussi savoir qu'est-ce qui se passe à côté. Le théoricien florentin Guichardin, un des camarades de Machiavel, si je peux utiliser cette expression, avait cette expression qu'en diplomatie, on doit savoir regarder d'adicosto, c'est-à-dire à côté, pour décrypter. Et dans votre famille, vous êtes partie des premières à faire des études supérieures? Ah oui. Aussi ambitieuse. Ah oui, déjà je suis la deuxième de toute la famille à avoir le bac pour commencer, donc. Mais oui, ma grand-mère a le bac et puis moi. Mais mes parents n'ont pas du tout. Donc. Ma famille c'est spécial, j'ai que mes grands-parents, parce que les autres ça ne les intéresse pas. C'est pour eux, je suis plus la honte de la famille qui fait des études plutôt que l'inverse. Enfin, je suis pas encore mariée et sans enfant, quoi. Pas du tout préparée au concours du MA? Pas du tout. Donc c'est voilà, d'autant plus une fierté de vraiment le faire littéralement toute seule. Donc il faut un sacré moteur. J'ai un caractère du tonnerre. Alors cette fabrique du diplomate au XVIIIe siècle, la formation surtout de ces diplomates à l'époque moderne, on estime que la diplomatie finalement ne s'enseigne pas, ne s'apprend pas ou qu'elle se transmet par l'expérience. Et cela tient surtout au recrutement de ces diplomates qui appartiennent aux élites sociales et savantes. Et beaucoup des jeunes diplomates faisaient leur formation auprès d'un parent qui était envoyé pour assister ou pour négocier lors d'un congrès, d'une grande conférence diplomatique, ou qui était envoyé en représentation à l'étranger. Il y a des coutumes établies dans divers pays qui donnent souvent l'occasion d'y faire de petits présents. Ces sortes de dépenses, quoique d'un prix médiocre, contribuent beaucoup à faire estimer un ambassadeur et à le rendre agréable dans la cour où il se trouve. Et elles deviennent souvent fort utiles pour y faire réussir les affaires dont il est chargé. Abraham de Wigfort, l'ambassadeur et ses fonctions. Comment vous faites pour payer vos études ? Ben, je travaille l'été, donc juin, juillet, août. Et là, je vendais du vin. Parce que j'ai la tchatche. Alors du coup, je suis venue vendeuse de vin dans le village de mes grands-parents, donc à Saint-Ambroise. Et ça s'est très bien passé. Et cette année, je n'ai pas pu y aller puisque je fais mon stage donc, à l'ambassade qui commence la semaine prochaine. Définition. Le mot d'ambassadeur tire son origine de l'espagnol « enviar », qui signifie « envoyer ». De sorte que l'on peut dire que l'ambassadeur est un ministre public qu'un souverain envoie à une puissance étrangère pour y représenter sa personne en vertu d'un pouvoir qui fasse connaître son caractère. À ses côtés, l'ambassadeur avait besoin de professionnels de la traduction et de l'interprétariat. Et c'est un métier qui va se développer dans le cadre des échanges entre les Européens et l'Empire ottoman, donc depuis, disons, le 15e siècle. Et la grande figure donc, du traducteur, c'est ce qu'on a appelé le drogmon. Donc c'était des hommes qui étaient choisis autour du bassin méditerranéen, des Italiens, des Grecs, des hommes qui appartenaient à la communauté juive, et qui étaient choisis pour leur faculté linguistique, pour permettre ces échanges linguistiques, mais aussi commerciaux et culturels, entre les représentants de l'Empire ottoman et les représentants des États européens. Et c'est pour former ces drogmans, en fait, qu'on va créer les premières écoles. Premières écoles pour les drogmans vont être créées à Venise, à Paris, qui, à l'origine, doivent former de très jeunes hommes, hein, c'est des enfants, que l'on formait aux langues orientales, pour ensuite leur permettre d'exercer cette activité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on développait évidemment leurs compétences linguistiques. On leur faisait apprendre de l'histoire, des rudiments de droit. Et au-delà, on les ouvrait sur la culture de l'autre. En cela, c'était vraiment des passeurs. Donc les premières écoles, elles sont vraiment liées à cela, aux échanges entre cet Orient et l'Occident européen de l'époque. Alors Isabelle Dasque, le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir se comporter ailleurs, loin, avec des étrangers, comment ça s'apprend ? Alors beaucoup de ces jeunes gens étaient issus bien sûr des élites sociales et ils appartenaient surtout à l'aristocratie. Donc il y avait effectivement toute un savoir-faire qui était propre à ces familles aristocratiques. Il y a toute une sociabilité de cour qui se perpétue. La diplomatie, bien sûr, emprunte beaucoup à toute cette culture de cour et à cette sociabilité mondaine et curiale. Et pour beaucoup de diplomates, et bien justement, même pour Jules Cambon, par exemple, il explique que les examens ne permettent pas justement de juger justement ce savoir-être et ce savoir-vivre, et qu'il faut bien sûr, à côté des examens, il faut justement savoir évaluer aussi les qualités sociales et mondaines de ces diplomates. Alors, les savoir-vivre, les savoir-être, c'est quoi précisément ? On demande à ces diplomates, eh bien, d'avoir du tact, d'avoir une certaine, de savoir manier l'art de la conversation, de savoir exercer une certaine finesse, une certaine réserve, une certaine prudence. Alors, indépendamment de ces qualités-là, on leur demande aussi de savoir se tenir en société, de savoir aussi pratiquer non seulement l'art de la conversation, mais l'art de la danse et une anecdote amusante qui est racontée par le comte de Saint-Olaire dans les confessions d'un vieux diplomate. Le comte de Saint-Olaire est recruté à la fin du XIXe siècle par la voie du concours, mais il raconte que ses qualités de danseur lui valent l'attention de l'ambassadeur à Saint-Pétersbourg, qui est le marquis de Montebello, qui a porté véritablement sur les fonds baptismaux l'alliance franco-russe, et qui a besoin d'un danseur, d'un meneur de cotillon. Et donc il remarque, à l'occasion d'un thé dansant au Quai d'Orsay, il remarque les talents du jeune Saint-Olaire, à qui il propose de venir servir à l'ambassade de Saint-Pétersbourg. C'est vraiment à la fin du XVIIIe siècle qu'on va créer au sein de l'université de Strasbourg ce qu'on appelle un institut historico-politique, dans lequel vont vraiment passer tous les futurs ambassadeurs de la fin du XVIIIe siècle. Donc ça, c'est vraiment peut-être la première grande école pour diplomates. Et puis à partir du moment où, au XIXe siècle, cette fonction de représentation va véritablement se professionnaliser, les écoles vont finir par se créer. Une bonne table facilite les moyens de savoir ce qui se passe lorsque les gens du pays ont la liberté d'aller manger chez l'ambassadeur. Et la dépense qu'il y fait est non seulement honorable, mais encore très utile à son maître lorsque le négociateur sait bien mettre tout cela en œuvre. C'est le propre de la bonne chère de concilier les esprits, de faire naître de la familiarité et de l'ouverture de cœur entre les convives. Et la chaleur du vin fait souvent découvrir des secrets importants. François de Calière, de l'art de négocier. Savoir être à table. Oui, savoir, bien sûr, savoir se conduire, tous ces savoir-vivre, toute une sociabilité qui a une utilité professionnelle, puisque c'est à l'occasion de ces cérémonies de cours, de ces bals, que des conversations ont lieu et que des confidences aussi s'échangent. Et donc, effectivement, cette sociabilité-là, elle est extrêmement importante dans un milieu de diplomates qui appartiennent au même monde et qui connaissent les mêmes usages, les mêmes règles de comportement et de manière de vivre. Et vous êtes seule pour réviser ? Oui, je me débrouille. C'est ça aussi qui fait la chose, c'est cette fierté-là de me dire « voilà, je fais ça toute seule, j'ai pas de prépa, je me débrouille ». Puis j'ai plein de livres que j'avais achetés tout au long de mes années de scolarité, que j'ai lu, relu, fiché. Je me suis fait une sorte un peu d'emploi du temps. Il y a 6 épreuves. C'est quoi les 6 épreuves ? Alors, il y a culture générale, il y a questions contemporaines internationales, il y a économie, et ensuite il y a anglais, espagnol, et en dernier, il y a une épreuve facultative de gestion. Allez, Phoenix, viens ici. Alors, sur la sélection des diplomates, le recrutement s'est d'abord démocratisé beaucoup plus, il s'est élargi, il s'est ouvert, et puis il s'est féminisé. Donc là, ce sont de réelles différences avec la fin du XIXe siècle et une grande partie du XXe siècle. On observe quand même, dès la fin du XIXe siècle, une démocratisation, certes très modeste, mais elle existe quand même pour faire une part au recrutement de jeunes gens issus de familles moins illustres. Il en demeure pas moins que le concours était censé assurer un recrutement beaucoup plus méritocratique. Mais le concours est accompagné de critères de sélection aussi autres qu'intellectuels, puisque ces diplomates, pour pouvoir prendre part au concours, faisaient l'objet quand même d'une enquête avant d'entrer au Quai d'Orsay. Donc il y avait toute une enquête qui était confiée au préfet pour connaître la position de famille, la position de fortune, pour connaître aussi les opinions politiques. Cette formation, elle est dispensée à partir des années 1880, elle est dispensée surtout par l'École libre des sciences politiques, Et de plus en plus, les diplomates sont, les jeunes gens qui se destinent à la diplomatie sont titulaires de ce diplôme de l'École libre des sciences politiques. Ils ont suivi la section diplomatique qui permettait d'apprendre le style diplomatique, qui permettait d'acquérir les mécanismes d'une négociation, et puis qui permettait aussi tout simplement de connaître les grands traités et les grands moments qui avaient jalonné la vie de la diplomatie. Je me suis fait ma petite liste où je coche qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire. Et voilà, je fais ça par créneau d'une heure trente. J'essaie de faire 3 à 4 créneaux d'une heure trente par jour. Parce qu'après, j'ai essayé 5, c'est un peu plus compliqué parce que le cerveau il crame. 4 fois 1h30 de révision. Oui. Je fais un peu de sport aussi le soir. Je fais des programmes de musculation pour tout le corps, donc haut du corps, bas du corps, abdos. Sinon, je me tiens pas en forme. On fait une boucle là, c'est ça, ou on revient sur nos pas? On revient sur nos pas parce que ça va être un peu long si on fait la boucle. Phoenix. Un bon négociateur doit, pour être bien instruit, lire avec application tous les traités publics, tant généraux que particuliers, qui ont été faits entre les princes et les États de l'Europe. Qu'il étudie avec soin l'histoire moderne de l'Europe, qu'il lise les divers mémoires, les instructions et les dépêches que nous avons de plusieurs habiles négociateurs, tant imprimées que manuscrites, qui traitent des affaires dont ils ont été chargés et qui, en apprenant plusieurs faits utiles à la connaissance des affaires publiques, servent à lui donner l'idée de la manière dont il doit se conduire en de semblables occasions. François de Calière, de l'art de négocier. Nous laissons Tiffany à ses révisions marathon. Lauriane ? Oui. Bonjour Lauriane. Bonjour, enchantée. Ça va ? Je vous en prie. Et c'est dans sa résidence universitaire que nous rencontrons Lauriane, la seule de son groupe de travail de Sciences Po à avoir accepté de partager quelques heures avec nous pendant les concours blancs. Prête ? Ouh là là, on va demander beaucoup là. On commence à avoir un peu l'habitude de l'exercice. Un lit, une fenêtre, une table, une kitchenette, un cabinet de toilette. Quelques posters de manga sur le mur. Des livres un peu partout. Une théière qui fume. La stratégie, alors à court terme, au cours de cette année, il s'agissait véritablement de mettre en place des stratégies de révision et d'apprentissage de tout ce qui me manquait en termes de aussi bien de fond que de forme. Vous travaillez avec un petit groupe ? Oui, avec même plusieurs en fait, puisque je prépare plusieurs concours. Là, je suis mon concours, le Quai d'Orsay est mon concours principal, mais je prépare aussi le concours de l'ENA, enfin ex-ENA. Donc j'ai un groupe effectivement avec lequel je me suis entendue pour préparer le concours du Quai, avec lesquels on échange des idées, on échange des ressources, on travaille aussi donc avec un tuteur qui nous guide et qui nous propose des sujets supplémentaires, avec énormément de travaux blancs, de concours, de galops. C'est Sciences Po. Sciences Po Paris. Quasiment tous les week-ends, une proposition d'une épreuve blanche à rendre et qui est corrigée rapidement pour avoir des retours avec les professeurs. Là, effectivement, on a des échanges de fiches, on fiche ensemble des manuels et on essaie de s'échanger des ressources, des idées, des méthodes et du soutien moral, parce que c'est vraiment, je crois que c'est peut-être la ressource la plus précieuse dans cette préparation. Alors l'épreuve de civilisation a cela d'intéressant, surtout quand on passe le concours cadre d'Orient, qu'elle indique vraiment une forme de spécialisation régionale, ce qui est encore une fois la caractéristique principale du concours cadre d'Orient, qui avait été créé d'ailleurs justement pour indiquer cette spécialisation auprès notamment des apprentis diplomates sinisants. Et il s'agit pour moi d'une épreuve très intéressante, justement parce que elle démarque ces diplomates sinisants, arabisants, qui ont justement cette volonté de montrer un goût particulier pour des régions qui sont au cœur d'enjeux stratégiques et diplomatiques particulièrement forts ces dernières années. Pour soutenir la dignité attachée à cet emploi d'ambassadeur, il faut que celui qui en est revêtu soit libéral et magnifique. mais avec choix et avec dessein. Que sa magnificence paraisse dans son train et dans sa livrée. Qu'il donne souvent des fêtes et des divertissements aux principales personnes de la cour où il se trouve et aux princes. Et qu'il y apporte toujours un air ouvert, complaisant, honnête et un désir continuel de lui plaire. Ça reste extrêmement sélectif. L'entrée dans la carrière, comme on dit, reste un processus extrêmement sélectif. Alors, le Quai d'Orsay a plusieurs niveaux de concours. Il y a le fameux concours de l'ex-École nationale d'administration. Et puis, il y a aussi la voie très, très prestigieuse en France de ce que l'on appelait le concours d'Orient, qui a été mis en place en 1930. C'est un concours spécifique pour recruter les attachés de chancellerie et les secrétaires interprètes pour l'Orient et l'Extrême-Orient à l'époque. Et puis, ce concours va être redéfini au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il reste l'une des voies royales pour entrer au Quai d'Orsay. Les cadres d'Orient. Voilà. Et donc, on rentre par la voie du concours d'Orient. On devient un cadre d'Orient. À l'origine, c'est parce qu'on maîtrisait l'une de ces langues orientales, le turc, l'arabe, puis ensuite le japonais, le chinois, l'arménien. Mais à chaque fois, c'est vraiment une toute petite quantité de postes qui est mise au concours. Donc ça reste un concours extrêmement sélectif, c'est tout à fait certain. Il y a plein de choses japonisantes, donc sans être devin, j'imagine que c'est le Japon qui vous intéresse, c'est ça ? C'est effectivement ma zone de prédilection, ma zone de cœur, j'ai étudié un an là-bas, donc... C'est venu assez jeune en fait, c'est la pop culture japonaise qui a eu cet attrait sur moi et heureusement je pense je suis restée pour tout le reste et c'est justement par ce biais-là que je me suis intéressée aux affaires internationales et la diplomatie. Est-ce qu'on peut dire, pour résumer, que vous allez peut-être être diplomate à cause des mangas ? C'est une façon de voir les choses. Alors, donc moi, je me mets dehors sur la table de jardin, là, en bois. J'adore, c'est très agréable, avec le bruit des cigales, sous les arbres, donc du coup, il fait pas trop chaud. Ça tient un petit peu la fraîcheur, à côté de la piscine, donc quand j'ai un peu chaud, hop, un petit pouf entre deux révisions, ça fait du bien. Donc je me mets sur ma table, donc je vais chercher mes cahiers. Donc en général, le matin, je commence par ce qui est un petit peu plus lourd, plus compliqué, donc plutôt culture générale ou questions internationales. Et puis voilà, je lance mon chronomètre d'une heure trente sur mon téléphone et je travaille. Et si je prends une pause, je mets pause sur le chronomètre parce que je veux pas tricher, je veux pas... Voilà, pour vraiment faire 1h30 de travail. Je pense que ça fait un point important du concours, quoi. Sans préparation, sans méthode clé et réfléchie, on peut pas l'avoir. Il faut pas partir comme ça, en toute seule, avec mes cahiers, mes cours, mes fiches de révision et l'internet. Donc j'ai voilà, Rousseau, le contrat social, Hobbes, le Léviathan, j'ai Foucault, surveiller et punir, je me suis fait une petite liste comme ça, Anna Arendt de la crise de la culture, Machiavel, le prince, qui est super, j'ai adoré. Là je vais lire bientôt Raymond Aron, introduction à la philosophie politique. Ensuite j'ai vu là qu'il y a La révolte des élites de Christopher Lasch qui a l'air pas mal. Enfin voilà, il y a pas mal de livres comme ça, que je me suis fait ma petite liste. Et puis voilà, donc pareil, un cahier par matière, donc là, c'est culture générale, etc. Quand j'étais petite à l'école, la petite gamine insupportable qui disait à tout le monde en CP, moi je serai égyptologue. Alors il me disait, mais qu'est-ce que c'est égyptologue? Tout le monde était là, moi je serai pompier ou coiffeuse. Et moi j'étais là, non, moi je serai égyptologue et spécialiste française de l'Égypte et je gérerai les relations entre la France et l'Égypte. Alors je faisais que répéter ça à tout le monde, à qui voulait l'entendre. Je répétais ça tous les jours et puis vraiment je suis restée orientée là-dedans de cet appétit du monde en fait, de l'autre, d'autrui si je peux dire. Alors du coup, et après là c'était enclenché quoi. C'est certain que je vais travailler là-dedans. Qu'est-ce que les étudiants que vous avez espèrent comme apprentissage de savoir ? Alors cette question du savoir, comment à la fois identifier les savoirs significatifs pour leur carrière et les inviter aussi à tout le long de leur carrière à rester ouverts. Frédéric Ramel. Je pense que l'un des savoirs les plus importants lorsque on fait le métier de diplomate, c'est l'écoute. Parce que le diplomate doit à la fois maîtriser, je dirais, ses fondamentaux, c'est-à-dire avoir à l'esprit les intérêts de l'État pour lequel et au nom duquel il agit, et en même temps être à l'écoute de ses partenaires, c'est-à-dire avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre, d'avoir cette dimension empathique, voire même, alors je vais employer un très gros mot en diplomatie, une forme de bienveillance, d'écoute, parce que l'activité de la diplomatie, c'est l'activité relationnelle par excellence. Rencontrer une altérité complètement différente de la mienne, mais qui, à un moment donné, doit me permettre de nouer un échange. Cette démarche, hein, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre, d'avoir une ouverture et surtout une écoute de l'autre, est, je dirais, non seulement une nécessité, mais quelque chose de assez difficile à mettre en place. Accueillant, accueillir l'autre, même dans sa différence, et même avec le diable, finalement. C'est une forme de bienveillance, pour moi, dans la relation au quotidien avec le diplomate, où il y a, oui, des tensions, oui, il y a des désaccords, oui, il y a des conceptions parfois du monde radicalement différentes. Mais ça ne veut pas dire que dans le fonctionnement même de la diplomatie, cette dimension d'écoute doit être négligée, bien au contraire. Il faut surtout qu'un bon négociateur ait assez de pouvoir sur lui-même pour résister à la démangeaison de parler avant que de s'être bien consulté sur ce qu'il a à dire. Qu'il ne se pique pas de répondre sur le champ et sans préméditation aux propositions qu'on lui fait. Et qu'il prenne garde de tomber dans le défaut d'un fameux ambassadeur étranger de notre temps qui était si vif dans la dispute que lorsqu'on l'échauffait, il révélait souvent des secrets d'importance pour soutenir son opinion. Vous êtes diplomate demain, Tiffany. Vous allez être obligée de fréquenter des gens fréquentables, qui bafouent les droits sociaux, qui bafouent les droits humains, les droits des femmes. C'est aussi ça la réalité du diplomate. Vous avez... Oui, bien sûr. Eh bien, je pense qu'il faut être un caméléon dans la vie. Mon grand-père, il m'a toujours dit ça, il m'a dit qu'il faut être un caméléon, il faut s'adapter à tout. Et je pense que la diplomatie, c'est ça, savoir s'adapter à la personne, se mettre à son niveau et beaucoup écouter surtout. Voilà, si on m'explique que, je ne sais pas, il faut bafouer les droits des femmes, ben j'écouterai la personne. Je dirai que je peux respecter son opinion puisque c'est la sienne, mais que je ne la partagerai pas. Et je lui expliquerai pourquoi, par A plus B, pas essayer de convaincre son opposant, l'autre, mais lui expliquer pourquoi nous, on n'a pas la même vision, par exemple. Le voyage de Jacques Chirac en Chine au cours d'un entretien restreint avec son homologue, le président français a évoqué ce que les diplomates appellent familièrement les sujets qui fâchent. Le problème des droits de l'homme dans ce pays, la Chine, la situation des chrétiens et le problème de l'annexion du Tibet. Sur place pour France 2, Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Là encore, on est, je crois, sur les dilemmes du diplomate où, justement, l'intérêt supérieur de la France exige parfois de parler avec des personnes avec lesquelles on ne souhaiterait surtout pas avoir affaire. Là encore, il faut se rappeler qu'il y a un intérêt en jeu et qu'il ne s'agit pas juste de faire plaisir à des personnes que l'on considère comme méprisables. La France... qui n'a bien sûr de leçons à donner à personne, mais qui souhaite défendre partout les droits de l'homme, a ouvert avec la Chine un dialogue confiant, constructif, exigeant. Un dialogue respectueux de l'histoire, des mentalités, des traditions, des rythmes, bref, de l'identité de chacun. Ce genre de dilemme, effectivement, je crois, traverse tout diplomate à un moment ou à un autre de sa carrière. Mais c'est la personnalité ou de ces tyrans, par exemple, ou leurs actions à un instant T ne sont qu'une pièce d'un puzzle qui est autrement plus grand et qu'il faut essayer justement de garder à l'esprit le tableau dans son ensemble, la perspective plus large, incite justement à agir d'une façon peut-être plus désagréable sur un moment, pour un intérêt plus grand. L'un des meilleurs moyens de persuader et de plaire pour le négociateur est de s'appliquer à dire des choses agréables d'une part et d'autre part à adoucir par le choix de ses termes, de son ton, de ses manières, l'expression des choses qui sont fâcheuses par elles-mêmes. Quelles sont les compétences humaines qui sont requises ? En ce qui concerne les compétences humaines requises par le métier de diplomate, ce sont des compétences qui ont été reconnues de très longue date. Ça, c'est tout à fait passionnant pour un historien aujourd'hui que de prendre conscience que dans ces vieux traités des 17e, 18e siècles, Ottemans, Callière, on trouve des considérations de nature très anthropologique sur toute cette dimension immatérielle de la négociation. Callière explique qu'il faut former donc le diplomate à l'histoire, au droit, aux sciences de l'État. Mais il explique aussi qu'il faut que le futur ambassadeur parvienne à se former à ce qu'il appelle les intérêts et les passions du souverain auprès duquel il va être accrédité. Savoir comprendre les intérêts défendus par l'autre et aussi savoir tempérer les passions qui pourraient s'exprimer autour de l'objet de la négociation. Il y a des visites officielles qui ne passent décidément pas inaperçues. Muammar Kadhafi est donc arrivé à Paris tout à l'heure. Il y restera 5 jours. Le décorum, vous allez le voir, est toujours très spectaculaire avec la fameuse tente de tradition bédouine. Mais c'est surtout le principe de ce déplacement qui provoque la controverse. C'est quoi l'imaginaire pour vous qui est associé à ces fonctions, à ce rôle, à ces personnages, Lauriane ? C'était vraiment, je crois, ce qui me venait à l'esprit en premier, la dimension très somptuaire du rôle du diplomate, justement les réceptions, le côté très feutré, discussion informelle dans des réceptions justement qui, sous leur caractère informel, ces discussions avaient en fait toute l'importance du monde. Et je crois que c'est vraiment cette dimension-là, vraiment le côté représentation du diplomate qui avait cet attrait avec justement la dimension de... pas de luxe, mais en tout cas d'élégance et d'importance du personnel, justement, l'idée. Le diplomate, il met sa personnalité au service d'une façon très informelle, au service de la formalité de son office. C'était un peu rassurant de se rendre compte qu'il y avait une forme de machine qui tournait avec des processus et des habitudes qui viennent soutenir le travail de terrain des diplomates. Et je crois que c'est vraiment cette image que j'avais. C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures entre le café Flore et le Zénith. Mais ces postures, elles ont laissé pendant 8 ans ces malheureuses infirmières. Et j'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme. Dans tous ces aspects, tout ce qu'il restait à faire. Des contrats signés d'une valeur de 10 milliards d'euros, dont la livraison d'un réacteur nucléaire pour une usine de dessalement d'eau de mer. Alors, on est toujours à l'école des diplomates, puisque vous en préformez. Est-ce que il y a quelque chose de l'ordre des apprentissages plus subtils qui sont pour le diplomate un certain savoir-être, savoir-vivre, qu'il serait nécessaire d'avoir ou d'apprendre ou de savoir pour devenir un diplomate ? Je ne sais pas si vous savez que dans La recherche du temps perdu, Marcel Proust prend un personnage qui est justement un diplomate. Et parmi les principales caractéristiques de ce marquis de Norpois, on lui dit conservateur, maître dans l'art de recevoir et la conversation, tout en étant soucieux des intérêts permanents de l'État. Alors, je dirais que ce qu'avait décrit Proust est encore en partie juste, c'est-à-dire l'art de la conversation, l'art en fait de aussi de recevoir. Parfois, on considère que le diplomate, c'est un cookie pusher, c'est-à-dire voilà, c'est essentiellement dans les réceptions que justement se nouent les relations diplomatiques. C'est du coup faire comprendre que l'informalité, tout ce qui se passe en dehors de l'enceinte même de négociation, ça c'est un savoir qu'il faut avoir en tête. Et d'ailleurs, l'épidémie de la pandémie a eu de fâcheuses conséquences dans la pratique diplomatique, puisque sur Zoom ou sur une autre plateforme, il n'y a plus de couloir, il n'y a plus de moments parallèles à la négociation, et ces moments parallèles sont la plupart du temps extrêmement prépondérants pour l'avancée de la négociation. Et donc, pour reprendre votre question, celle de ces savoirs, c'est-à-dire être conscient que l'informalité est tout aussi importante que le moment de la rencontre officielle. Donoshti Bellon, pourquoi vous nous avez invités à rencontrer Pierre Stepanov au musée Fabre ? Parler de diplomatie, parce que vous venez d'une business school, et on se retrouve dans un musée. Alors moi, ça me demande explication. Bien sûr. Alors en fait, d'abord, je suis un très grand amateur du musée Fabre, qui est un lieu de déambulation, de méditation marché, où on peut rentrer en contact et en résonance avec un certain nombre d'œuvres. La diplomatie s'est nourrie de nombreuses influences. L'art fait partie de la diplomatie culturelle et d'influence. L'art est un vecteur d'influence. La culture fait partie du pouvoir doux, du soft power. Bien, maintenant nous nous approchons d'un tableau d'assez petite taille. Ce qu'on peut faire, c'est commencer par le décrire, dire ce que c'est, et puis le décrire, parce qu'il est plein de détails, il est très petit, je le distingue à peine. C'est une armée en mouvement qui a été peinte donc par Philips Wouvermann. Pierre Stepanov. Qui est le grand spécialiste de la peinture de chevaux, en fait, au XVIIe siècle. Donc ici, ce qu'on voit, c'est selon le schéma assez typique du paysage hollandais, c'est-à-dire une vaste étendue plate avec quelques reliefs et puis un ciel qui occupe très largement la majorité de la composition. Eh bien, on voit au sol, sur différents plans, différents personnages, donc des soldats, des cavaliers, mais aussi des femmes, hein, des vivandières, des roulottes, des tentes, des personnages qui ont l'air de jouer, qui ont l'air de boire. On voit également un canon qui est déplacé sur une charrette ici. Des personnages qui n'ont pas l'air d'être des soldats, pas forcément des soldats, mais plus des personnages qui accompagnent l'armée. C'est ça qui est assez frappant dans ce tableau, c'est que c'est un tableau qui représente la guerre au XVIIe siècle, mais c'est pas un tableau qui représente la gloire ou des faits d'armes, mais au contraire, côté plutôt prosaïque. Bah, ça implique toujours la petite pointe d'humour, donc un chien en train de déféquer et un soldat en train d'uriner. Ça, c'est toujours assez systématique dans les tableaux nordiques. C'est ces petits détails prosaïques qui montrent justement la charge des peintres nordiques de vous mettre le nez vraiment dans le réel, plutôt que dans la gloire allégorique et imaginaire. Pierre Stepanov, quel rapport avec la diplomatie ? Bah, on pense tout de suite à quand même la fameuse devise qui était inscrite sur les canons par Richelieu. La guerre, c'est quand même l'ultime argument des rois. Donc, s'il n'y avait pas de guerre, il n'y aurait pas de diplomatie, et réciproquement. C'est... Je sais pas après comment on interprète la guerre par rapport à la diplomatie. Est-ce que c'est une autre forme de langage diplomatique ou est-ce que c'est l'échec de la diplomatie ? Je sais pas si la diplomatie c'est l'absence de guerre. Je pense que la diplomatie, en surface, on pourrait dire que c'est l'organisation des relations entre les États. Mais c'est intéressant de parler de la guerre. Qu'est-ce qu'on entend par guerre ? Est-ce qu'on entend une guerre entre les États avec un champ de bataille militaire ? On peut parler de guerre d'influence qui ne passe pas par la violence des armes, mais par le conflit pour monopoliser le récit, la mise en récit des événements. C'est aussi une manière subrepticement de signaler tout ce qui vit autour de la guerre, c'est-à-dire que la guerre amène avec elle une économie parallèle, il y a un commerce international des armes, et puis la diplomatie est une forme de violence aussi, ne serait-ce que dans la catégorisation juridique, dans les arènes de décision, au Conseil de sécurité de l'ONU, catégoriser juridiquement quelque chose comme un acte d'agression, ça a des conséquences immédiates très fortes. Et ces arènes qui sont très policées en apparence dans le langage sont des arènes d'une très grande violence puisqu'il s'agit d'imposer une catégorisation qui va avoir des effets de droit et des effets matériels très immédiats, c'est-à-dire l'enclenchement de la légitime défense, l'enclenchement d'un droit de riposte. Donc peut-être que la diplomatie nous incite à repenser la notion de guerre, repenser la notion de violence et repenser la notion de champ de bataille. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs. Dominique de Villepin, 14 février 2003. Monsieur Blix et Monsieur El Baradei. ONU. Pour les indications qu'ils viennent de nous fournir sur la poursuite des inspections en Irak. Vous savez le prix que la France attache depuis l'origine de la crise irakienne à l'unité du Conseil de sécurité. Cette unité repose aujourd'hui sur deux éléments essentiels. Nous poursuivons ensemble l'objectif d'un désarmement effectif de l'Irak. Nous avons, en ce domaine, une obligation de résultat. Ne mettons pas en doute... Parce que mon parcours un petit peu orienté parmi les affaires internationales sur les questions de défense, j'aimerais pouvoir dire que j'ai participé à la résolution... peut-être à la résolution d'une crise sur des questions de défense, à la fin d'une crise entre la France et un autre pays, la résolution de conflits. De la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. C'est forcément le rêve de tout diplomate, cette dimension un peu héroïque, médiatrice du diplomate, forcément fait, je pense, rêver toutes les personnes qui cherchent à entrer au ministère. Je pense aussi qu'il faut accepter qu'il est plus probable que l'on restera dans une posture plus médiatrice, plus bureaucratique, parce qu'être le héros d'une crise internationale n'arrive pas à tout le monde, et ce n'est peut-être pas plus mal. Mais je crois que je saurais aussi tout à fait me satisfaire d'avoir été un agent peut-être plus modeste de la bonne entente et de la préservation des intérêts de la France. Je n'ai pas forcément l'ambition d'être de devenir une grande héroïne et l'idée d'avoir participé à ma hauteur est déjà une satisfaction en soi. La diplomatie, je m'y vois parce que je ne me vois pas faire un métier sans responsabilité. Je peux pas. Moi, j'ai besoin que ça bouge, qu'il y ait des enjeux, des responsabilités. Pour moi, il faut... Je sais pas comment expliquer. En fait, plus c'est le bazar, plus ça m'intéresse. C'est fou, hein, je suis... C'est, voilà, là, il y a Haïti, le président s'est fait assassiner. Et je me suis dit, ah, mais super, il faut que je travaille sur Haïti. Voilà, c'est... Je suis passionnée par la Russie. Moi, ça m'impressionne, la Russie. Vladimir Poutine, son empire, entre guillemets. Moi, je suis impressionnée par tout ça. La Chine, c'est... Voilà, plus c'est le bazar, plus ça m'intéresse. Pour y corriger les choses ? Oui, déjà pour les comprendre. Je pense qu'avant de vouloir corriger, de vouloir imposer son modèle, son idée, sa pensée, il faut déjà comprendre, analyser un bon moment. J'ai envie de... Oui, j'ai des dessins, on va dire. Grands dessins, on va dire. J'ai fait des sacrifices, ou en tout cas je considère avoir fait des choix pour mon parcours universitaire. J'ai choisi à chaque fois les parcours les plus prestigieux quand je le pouvais, à chaque fois la voie la plus généraliste, la plus prestigieuse. Quand j'étais au lycée, j'ai fait une classe préparatoire, je voulais absolument avoir entrée à Sciences Po. Et donc aujourd'hui, il y a des choses que d'autres personnes dans mon entourage qui n'ont pas fait ces choix ont et que je n'ai pas, ou en tout cas que je n'ai pas encore, vie professionnelle stable, voire famille. Ce sont des choses qui ne sont pas encore pour moi de l'ordre du réalisable. Donc il y a énormément de temps et d'énergie et de, et de courage, entre guillemets, que j'ai investi dans mes études et dans ce concours. Là, justement, c'est la dernière ligne droite qui semble la plus difficile. Donc oui, il y a une forme de... Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire sacrifice, ce sont des choix que j'ai faits. Je n'ai pas de regrets là-dessus, parce que je suis... même si je devais malheureusement échouer au concours in fine, ce sont des choix que je suis contente d'avoir faits et qui ont véritablement forgé la personne que je suis aujourd'hui. Donc ça reste un apprentissage tout à fait intéressant. Mais effectivement, il y a eu des choix et donc des renoncements. Je crois que c'est un métier qui continue à fasciner parce que chez les jeunes gens de 20 ans, il y a encore une forme d'idéalisme qui fait qu'en dépit de la crise de l'État, dont on parle beaucoup, ils souhaitent encore servir leur État. Donc je crois qu'ils conçoivent ce métier pas du tout comme un métier de représentation, comme un métier statique qu'on ferait dans un bureau, mais vraiment comme un métier de terrain qui est en plein renouvellement. Enfin, moi, je sens beaucoup d'enthousiasme chez ceux qui se préparent à ces carrières ou au métier de la fonction publique internationale, qu'elle soit européenne ou proprement internationale. Je cherche également, évidemment, une forme de sens. Associer mes intérêts académiques, professionnels avec cette certitude de servir à quelque chose, de servir quelque chose. Il s'agit quand même, en participant à la réalisation de certains objectifs, d'assurer une forme de sécurité à la France et donc par là même la sécurité des citoyens qui y vivent. Le prestige est présent, surtout quand on accède évidemment à certaines très grandes fonctions, la fonction d'ambassadeur, de consul, ce sont des titres qui ont une forte résonance en termes de représentation et d'histoire. Est-ce que c'est ce que je viens y chercher? Pas forcément, c'est une conséquence sur laquelle que je ne rejette pas, mais ce n'est pas mon objectif principal. Donc, concours blanc du jeudi 1er juillet 2021, civilisation MEAE, section Asie méridionale et Extrême-Orient, dissertation, conseiller cadre d'Orient 5 heures, secrétaire cadre d'Orient 5 heures, les deux sujets sont communs. Vous traiterez le sujet suivant, la gestion des biens communs en Asie-Océanie. Bon, là, je vois, en l'état actuel, je ne vois pas de cohérence d'ensemble. Un espace Asie-Océanie qui aurait une gestion avec Tiffany Spitaleri, Laurence Badel, Isabelle Dask, Frédéric Ramel, Lauriane Alghemi, Donoshti Bellon, Pierre Stepanov. On peut rapprocher. Merci au Musée Fabre de Montpellier. Lecture Nathalie Canoui. Documentation Anne-Lise Signoret. Pour se rapprocher pour moi de cette notion. Prise de son Christophe Michou, Éric Audra, Nicolas Mathias. Mixage Claude Niort. Attaché d'émission Marivonne Abolivier. Coordination Perrine Kervran. C'était Diplomate au bord de la crise de nerfs, à l'école des diplomates. Un documentaire de Franck Cuvelier, réalisé par Véronique Samouilov. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avant le concours, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, Madame l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.